un ange sur la terre, chapitre 30. Pauvre la grimace. Le jour même où la grimace faisait partir sa lettre pour Rennes, elle recevait celle-ci. Rennes à la grimace. Ma chère la grimace, bien que ma mère soit à jamais brouillée avec ton père et ne veuille plus entendre parler de lui, je t'aime tant que je ne puis m'empêcher de t'écrire. Il faut que ton père ait eu de bien grands torts à son égard. Je crois, sans en être certaine, que la rupture a été causée par des affaires d'intérêt, et cela ne m'étonnerait pas. Ton père, qui veut jouer l'Alexandre le Grand, mériterait plutôt par son avarice la dénomination d'Alexandre le Petit. J'ai bien ri, en effet, en apprenant le désespoir du beau Tiburcio, ton parent, à l'idée de devenir fabricant. Et cependant, rien ne pouvait mieux convenir qu'une fabrique de phosphore à un homme qui peut trouver en lui-même les premiers éléments de sa fabrication. Lui, le phosphore fait homme, était destiné à propager la matière. Mais il faudra bien veiller sur sa chère personne, de peur qu'elle ne prenne un jour feu comme sa marchandise. Je porte à ta connaissance que Martial vient d'être nommé député. Il va pouvoir enfin faire briller, au congrès, les flammes de son éloquence. À sérieusement parler, il serait à désirer qu'il n'y eût que des députés comme lui. Il apportera au Cortés une connaissance exacte des besoins de sa province, de bonnes idées et une indépendance sans esprit d'opposition, arrêtée contre les hommes et contre les choses. En un mot, son ambition se bornera à prononcer des discours et il ne fera de tort qu'à lui-même. En résumé, à part sa jactance et son outrecuidance, c'est un honnête garçon. Fabian a été envoyé, comme assesseur, dans une mauvaise bourgade. Il est dégoûté et parle d'abandonner la carrière de la justice pour se rendre à Madrid et s'y faire homme de lettres. Mais Gennaro, qui l'apprécie et le croit destiné à un brillant avenir, l'engage à persévérer et à ne pas quitter une carrière sûre et honorable pour une carrière glissante et fort éventuelle. Flora a été demandée en mariage par un de ses cousins, le comte de Villafria, jeune homme distingué, bien de sa personne et fort riche. En apprenant cette nouvelle, Fabian a écrit à Gennaro, qui avait baptisé Flora et lui du surnom des deux colibris, que l'un des oiseaux-mouches avait trouvé le calice d'un lys pour s'y reposer, mais que l'autre, seul et prisonnier dans une triste cage, passait sa vie à user un bec qui aurait désiré ne pas faire autre chose que chanter, à grimper tristement après des barreaux qu'il voudrait pouvoir rompre. Tu reconnaîtras Fabian, Thémis n'a pas encore étouffé Apollon. Tu seras sans doute fort surprise quand je te dirai que je vais me marier. Mais ton père nous ayant dit que nous mangerions bientôt des bonbons de ta noce, et Flora prêchant aussi d'exemple, je n'ai pas voulu qu'il fût dit que je serais la seule du trio qui coiffa Sainte Catherine. Mais ce qui te surprendra encore bien davantage, c'est que le novio, l'objet aimé, est ce Gennaro, envers lequel je me comportais si mal à ton avis. Puisqu'il te perd, ce sera pour lui une compensation et pour moi une confirmation du proverbe. Il ne faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Gennaro n'a pas de fortune. Ma mère a cependant consenti à notre mariage, car tout le monde ne peut avoir pour ses filles des vues aussi élevées que le millionnaire Don Roque. Je voudrais cependant savoir quel est ce novio dont parlait ton père, et j'espère que tu me donneras des détails le plus tôt possible. Gennaro t'aime toujours, comme moi, sincèrement et comme une bonne sœur. Nous espérons bien que, quand tu seras libre de tes actions, tu viendras nous faire une visite. Tu peux être sûr de nous faire, à tous deux, le plus sensible plaisir. Adieu, soigne-toi bien et sois aussi heureuse que le désire ta meilleure amie, Reine. » Après avoir lu cette lettre, Lagrimas poussa un profond soupir, ferma les yeux et tomba dans une de ces défaillances qui revenaient, chaque jour, plus fréquentes. Quand elle revint à la connaissance, elle se trouva dans son lit, entourée de Don Juan de Dios, de l'alcalde et de sa femme. Tous trois paraissaient très émus. La pauvre enfant poussa un léger gémissement en sentant les brûlures cuisantes que lui causaient, aux pieds et aux jambes, les sinapismes violents qu'on y avait appliqués. « Encore un nouveau supplice, docteur ? » dit-elle en s'efforçant de sourire. « C'est pour ton bien, mon enfant !» répliqua sa tante, qui l'avait prise en grande affection. « Je le sais, » répondit l'enfant, « je vous en remercie. » Puis elle referma les yeux. Tiburtia prit sa main et la trouva froide. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle alarmée. « Voyez donc, docteur, elle s'en va !»« Et plus vite que je ne l'aurais cru, » répondit le médecin. « Je croyais qu'elle irait jusqu'à la chute des feuilles. Mais la fleur les précédera. Il faudrait l'administrer. « Jésus, Jésus, la pauvre enfant !» exclama Tiburtia, baignée de larmes. « Comment elle serait aussi mal ?» s'écria l'alcalde, qui regardait Lagrimas comme l'ange d'intercession entre lui et celui qui pouvait consommer sa ruine. « Il n'y a pas de temps à perdre, » reprit le médecin. « Elle est tellement faible qu'elle peut passer d'un moment à l'autre. » Tiburtia se hâta de sortir pour aller chercher le curé et l'alcalde pour expédier un exprès à Don Roque qui se trouvait à Séville. Quand Tiburtia fut revenu, « Il faut, » dit le médecin, « annoncer à la malade la visite du curé, pour que sa vue ne produise pas sur elle une dangereuse émotion. Dans son état de faiblesse, tout est à redouter. « Je m'en charge, » répondit la bonne femme. « Ne craignez rien, docteur. » Le médecin sortit en promettant de revenir bientôt. Un peu après, Lagrimas fit un mouvement. « Dors-tu ? » demanda la tante. « Quelquefois, je crois que oui, et d'autres, je crois que non, » répondit l'enfant d'une voix faible. « Il y a des réalités qui me paraissent des songes, et des songes qui me paraissent des réalités. Je ne puis définir ni les uns ni les autres. » « C'est le délire qui commence, » se dit en elle-même Tiburtia effrayée. Don Juan de Dios l'avait bien prédit. « Mon enfant, » ajouta-t-elle à voix haute, « nous sommes tous mortels. » « C'est vrai, » répondit la malade, épuisée par la fièvre. « Être mort, c'est bien doux, mais mourir, c'est terrible. » « Il faut toujours penser à la mort, afin qu'elle ne nous surprenne pas comme des hérétiques, mais qu'elle nous trouve préparés comme de bons chrétiens. » « Oui, oui, on la voit venir dans le désert de la mer. Elle vient avec le vent qui gémit avec la mer, qui demande sa proie. Oh, que c'est effrayant! Les éléments n'ont pas pitié du malheureux, impuissant contre leur fureur, et qui ne peut implorer contre eux que le secours de la miséricorde divine. Quand on est prévenu, poursuivit la bonne femme, quand on s'est préparé, on ne peut faire qu'une bonne mort. Une bonne mort, murmura la malade en paroles entrecoupées, est la plus grande faveur que Dieu puisse nous accorder. Et pour faire une bonne mort, poursuivit Tiburtia, il faut se mettre en état de grâce, il faut se confesser. À bord, il n'y avait pas de confesseur, disait l'enfant. Mais dans ce cas, Dieu est notre confesseur, qu'il soit béni. Quand on n'est pas à bord, on a la consolation d'en appeler un. Veux-tu que je fasse venir le curé ? Demanda la bonne femme. Et quoi ? Vais-je donc mourir ? exclama la jeune fille, sortant brusquement de son état d'atonie et ouvrant de part en part ses grands yeux noirs, pendant qu'un tremblement nerveux soulevait son débile corps sous les draps de son lit. « Non, non, j'espère que non !» répliqua Tiburcia tout ému. « Mais, comme je te le disais tout à l'heure, nous sommes tous mortels !»« Vais-je donc mourir, seigneur curé ?» demanda anxieusement la jeune fille au prêtre qui venait d'entrer. « Jésus, n'y a-t-il donc plus de remède ? Où est Don Juan de Dios ?» Tiburcia quitta la chambre en ne pouvant retenir ses sanglots. Que se passa-t-il entre la moribonde et le curé ? Que lui dit-il et quel pouvoir surhumain exerça-t-il sur son cœur ? Tout chrétien s'en rendra facilement compte. Aussi, quand Tiburcia rentra dans la chambre, elle trouva sa nièce calme et plus expansive que jamais. La vie, qui se retirait des extrémités du corps, semblait refluer tout entière vers le cœur. Lagrimas remercia tout le monde des soins qu'on lui avait donnés. Elle demanda pardon si, par hasard, elle avait offensé quelqu'un. Puis, détachant de son cou une chaîne d'or à laquelle était suspendu le portrait de sa mère, elle la donna à sa tante. Elle se fit ensuite apporter une petite cassette renfermant quelques bijoux, en retira un collier avec un médaillon entouré de perles qui contenait son propre portrait quand elle était enfant. Et, le joignant à celui de sa mère, elle les regarda tous deux longtemps, pendant que ses lèvres murmuraient une prière et que de ses yeux coulaient de grosses larmes. Puis, demandant un mouchoir mouillé, elle le passa sur les deux portraits jusqu'à ce qu'il ne restât plus de traces de couleur. Pas une plainte ne partit de ce cœur si aimant, abandonné par ceux qui auraient dû la chérir, car dans ce cœur il n'y avait aucun fiel. Elle n'éprouvait aucun ressentiment contre Rennes, ni contre Gennaro. Elle ne souhaitait que leur bonheur. Ainsi, ce doux ange caressait la flèche qui transperçait son cœur, bien différent de ces gens qui croient empoisonner les traits passagers dont leur épiderme est à peine entamé. La vie se retirait peu à peu. Lagrimas demanda un encrier et eut encore la force de tracer ses lignes en caractères à moitié effacés. « J'ai reçu ta lettre, reine, et je t'écris ces quelques mots avant de mourir, pour vous souhaiter à tous deux un bonheur parfait. » Fabiane appelait les larmes les perles du cœur. « Je t'envoie ce collier de perles pour qu'elle me rappelle quelquefois à ton souvenir. Adieu. Sur un lit de mort, ce mot « adieu » est une douce parole. « Je désire, » dit-elle, quand elle eut achevé d'écrire, « que mon père envoie ce souvenir à mon amie reine de Alocaz. » « Ton père ne tardera pas à arriver, » dit Tiburcia. « Mon père ne viendra pas, » objecta l'enfant. « Il est très occupé et il est bien loin. » Elle fut administrée le soir en présence de toute la population de Villamar, qui assista, agenouillée, à cette union sur la terre d'un ange avec Dieu. Après cette touchante cérémonie, Lagrimas sembla éprouver du soulagement, et la nuit fut moins agitée que les précédentes. Quelquefois on l'entendait murmurer, comme dans un songe, des paroles incohérentes et sans suite, parmi lesquelles revenait le plus souvent celle-ci. « Me voici, ma mère, me voici !» Quand un accès de toux ou une douleur plus violente la réveillait, elle murmurait tout bas. « Je baise les clous de ta croix et je m'y incline pour que tu viennes à mon secours, ô Jésus, mon doux rédempteur !» Le lendemain, Don Roque arriva à bord du vapeur. « Ma fille !» s'écria-t-il en entrant brusquement dans la chambre. Est-elle donc si malade? Je ne veux pas que tu meures, mon enfant, non, je ne le veux pas. Je ferai venir, s'il le faut, le premier médecin de la reine, et je lui ferai un pont d'or pour l'amener. Mais tu ne mourras pas. Laissez-moi mourir, mon père, et ne me regrettez pas, dit Lagrimas d'un ton de douce résignation. Dieu, qui est si bon, m'appelle à lui et veut faire cesser mes souffrances. Je suis fatiguée, et la mort, c'est le repos. Que je ne te regrette pas? Et pourquoi ne te regretterais-je pas? Je suis ton héritier, il est vrai, mais je suis un bon père. Je t'aime et je n'ai que toi à aimer sur la terre. Je vous voyais rarement, mon père, et je pensais... Mais enfin, puisque ma mort vous afflige, je voudrais pouvoir ne pas mourir. Écoute, mon enfant, dit Don Roque, qui, pour la première fois de sa vie, sentait son cœur ému. Autant toutefois que, dans sa nature de polype, ce cœur pouvait éprouver une émotion. Écoute, mon enfant, rétablis-toi, et je ferai tout ce que tu voudras. Je te conduirai à Séville, que tu aimes tant. Il est trop tard, mon père. N'ai-je pas fait tout ce que je pouvais faire pour te soulager? Ne t'ai-je pas amené ici pour jouir de l'air pur de la campagne? N'avais-tu pas confiance en ce Don Juan de Dios? Il a été bien bon, père, et m'a bien soigné. Mais je suis si débile, j'ai tant souffert depuis que j'existe, et surtout depuis la catastrophe qui m'a privé de ma mère. « Docteur !» s'écria tout à coup Don Roque. « Il faut que vous me la guérissiez, il le faut. Je ne puis voir mourir ainsi la seule héritière de mon immense fortune. À quoi servent donc votre science et vos livres si vous ne pouvez la guérir? N'épargnez ni les frais, ni la dépense. Je ne regarderai à rien. » « Père, dit l'enfant à voix basse, que peut l'argent contre la volonté de Dieu? L'argent peut tout, mon enfant, et je ne te laisserai pas mourir. Allons, docteur, parlez, agissez. Que faut-il faire? La consoler et ne pas l'agiter, répondit le médecin à voix basse. Il n'y a plus de remède. Il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Désires-tu quelque chose? Dit Don Roque en s'approchant de la moribonde. Parle, demande ce que tu voudras. Et, s'il est nécessaire, le vapeur ira le chercher à Cadix. J'ai une faveur à vous demander, murmura la pauvre enfant. Parle, mon enfant, dit Don Roque, réellement ému. Je voudrais envoyer ce collier de perles en souvenir à Rennes, qui va se marier. Don Roque ne put contenir un petit mouvement d'impatience causé à la fois et par son avarice et par sa haine contre la marquise. Si vous ne le voulez pas, murmura Lagrimas. « Si, si, mon enfant, je veux tout ce que tu voudras. »« Que Dieu vous récompense, père. Je voudrais, » poursuivit-elle, après avoir repris sa respiration, « je voudrais que vous vendissiez les boucles d'oreilles en diamants qui me viennent de ma mère pour en donner le montant à la pauvre négresse qui m'a élevée. »« Ce sera fait, » dit Don Roque, dissimulant mal un nouveau mouvement d'impatience. Si cela vous contrariait pourtant... Non, non, après. Vendez aussi l'anneau que vous avez donné à ma mère en l'épousant. Et de son prix, faites dire, par de pauvres prêtres, des messes pour le repos de l'âme de votre fille. Quant à cela, non, dit Don Roque, qui n'acceptait qu'à grand-peine ce rôle de générosité. Cette bague, c'est moi qui l'avais donnée. Elle doit revenir à son maître. Mais sois sans inquiétude. Si j'ai le malheur de te perdre, je te ferai faire un enterrement dont il sera parlé. Je ne le veux pas, mon père, dit la jeune fille en s'agitant sur son lit. Je ne veux pas qu'on m'habille en toilette de bal, qu'on me mette du rouge, ni qu'on place des fleurs dans mes mains. Je veux descendre sous la terre, pâle et triste, comme j'ai vécu sur la terre. Tel enfin que la mort me laissera, les mains croisées et priant Dieu, comme je le fais avant de mourir, pour eux, pour vous et pour moi. » La moribonde était si agitée que le médecin s'empressa de lui administrer une potion calmante. « Octroyez-lui ce qu'elle demande, murmura-t-il à l'oreille de Don Roque, qui ne savait tout donner de la tête. « Toutes tes dispositions dernières seront fidèlement accomplies, » dit-il à sa fille. « Approchez-vous, père, » murmura celle-ci d'une voix éteinte et suppliante. « Il est une dernière prière que j'ai à vous adresser, et vous ne la repousserez pas. Pardonnez à mon cousin et n'exigez pas de ses parents le remboursement de ce qu'il vous a emporté. « Bien, bien, je le promets, » répondit le père avec la ferme intention de ne pas tenir sa promesse. Mais pour cet homme, il n'y avait rien de sacré, pas même une promesse faite à un mourant, pas même la dernière volonté d'un mort. La jeune fille tomba alors dans une espèce de sommeil léthargique. Un profond silence, précurseur du silence de la mort, régnait dans la chambre. Don Roque, les coudes appuyés sur ses genoux, cachait son visage entre ses mains et ne remuait les lèvres que pour laisser échapper quelques imprécations. Tiburcia pleurait. Perfecto était anéanti. Le curé priait et le médecin observait l'enfant assoupi. Tout à coup, une voix sourde et débile interrompit le silence et, telle qu'une harpe éolienne agitée par le souffle de la mort, fit entendre cette suave mélodie. « Je leur pardonne. Il est si doux de pardonner. » Cette âme enfantine s'exhalait, par ce chant du cygne, de cette bouche qui allait rester muette à jamais. « Ma fille !» s'écria Don Roque. « Votre fille a le délire, » répliqua le médecin. « Approchez-vous, seigneur curé. » Le curé s'approcha pour donner à la mourante ses dernières consolations. « Ma fille !» répéta Don Roque en se précipitant vers le lit. Il n'entendit que ces paroles, avec lesquelles cet ange martyr remit son âme à Dieu comme l'avait fait sa mère. « Je baise les clous de ta croix et je m'y incline pour que tu viennes à mon secours. Ô Jésus, mon doux rédempteur !» 8 jours après, on célébrait à Séville les brillants mariages des deux cousines, la belle reine de Alocaz et la joyeuse Flora de Osorio. 8 jours après, Don Roque était rentré plus que jamais dans le tourbillon des affaires, en déplorant le tort que lui avaient causé ces quelques jours d'absence. Le jour même de la mort de Lagrimas, sur la plage où venaient se briser ces flots qui avaient été l'effroi de sa vie, on pouvait voir un immense brasier dans lequel la prudente Tiburcia avait jeté, avec l'expresse autorisation de Don Roque, le lit, les meubles, les vêtements, enfin tout ce qui avait servi à la pauvre enfant, morte d'une phtisie pulmonaire. Rien ne resta d'elle. Pas même un souvenir.